بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de fluide mélangé afin de le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous lui avons certes montré la voie à suivre, qu'il en soit reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les négateurs des chaînes, des carcans et un brasier ardent. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Les vertueux boiront à une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source à laquelle se désaltéreront les serviteurs de Dieu, la faisant jaillir abondamment. Ils accomplissaient leurs vœux, ils craignaient un jour dont le mal s'étendra partout. Ils offraient la nourriture, malgré l'amour qu'ils en avaient aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs. « Nous vous nourrissons, disaient-ils, pour le visage de Dieu. » Nous ne voulons de vous ni récompense ni reconnaissance. Et nous redoutons de notre Seigneur un jour difficile et affligeant. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Dieu les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera trouver bien-être et joie. Et pour tout ce qu'ils auront enduré, il leur donnera en récompense le paradis, de même que des vêtements de soie. Là, ils seront accoudés sur des divans, et ils ne connaîtront ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits seront courbés, bien bas, à portée de leurs mains. Et on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes, de cristal d'argent harmonieusement œuvré. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe emplie d'un mélange de gingembre, puisée à une source appelée Salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes qui, lorsqu'on les regarde, ressemblent à des perles éparpillées. Et quand tu regarderas là-bas, tu ne verras que la félicité et un vaste royaume. Leurs vêtements seront faits de fines soies vertes, brodées de fils d'or. Ils seront parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur les désaltérera avec une boisson d'une grande pureté. Cela est une récompense pour vous. Vos efforts ont été reconnus. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. En vérité, c'est nous qui t'avons révélé le Coran graduellement. Soumets-toi donc patiemment au commandement de ton Seigneur et n'obéis ni aux pécheurs ni aux négateurs. Et invoque le nom de ton Seigneur matin et soir. Prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le tout au long de la nuit. العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Ces gens-là aiment la vie éphémère, laissant derrière eux un jour bien lourd. C'est nous qui les avons créés et qui les avons solidement bâtis, et nous pouvons les remplacer, quand nous le voulons, par leurs semblables. Ceci est un rappel que celui qui veut emprunte le chemin vers son Seigneur. Mais vous ne le voudrez qu'autant que Dieu voudra. En vérité, Dieu est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut en sa miséricorde. Et quant aux injustes, il aura préparé un douloureux châtiment.